Dandin. Ça, qu'êtes-vous ici? Léandre. Ce sont les avocats. Dandin. Vous? Le souffleur. Je viens secourir la mémoire troublée. Dandin. Je vous entends. Et vous? Léandre. Moi? Je suis l'assemblée. Dandin. Commencez donc. Le souffleur. Messieurs. Petit-Jean. Oh, prenez le plus bas. Si vous soufflez si haut, l'on ne m'entendra pas. Messieurs. Dandin. Couvrez-vous. Petit-Jean. Oh, mais... Dandin. Couvrez-vous, vous dis-je. Petit-Jean. Oh, monsieur, je sais bien à quoi l'honneur m'oblige. Dandin. Ne te couvre donc pas. Petit-Jean, se couvrant. Messieurs. Vous, doucement. Ce que je sais le mieux, c'est mon commencement. Messieurs. Quand je regarde avec exactitude l'inconstance du monde et sa vicissitude, lorsque je vois, parmi tant d'hommes différents, pas une étoile fixe et tant d'astres errants, quand je vois les Césars, quand je vois leur fortune, quand je vois le soleil et quand je vois la lune, quand je vois les états des Babyloniens, transférés des serpents aux Macédoniens, quand je vois les Lorrains, de l'état dépotique, passer au démocrite et puis au monarchique, quand je vois le Japon, l'intimé, quand aura-t-il tout vu? Petit-Jean. Oh! Pourquoi celui-là m'a-t-il interrompu? Je ne dirai plus rien. Dandin. Avocat incommode, que ne laissez-vous finir sa période? Je suais sang et eau pour voir si du Japon il viendrait à bon port au fait de son chapon. Et vous l'interrompez par un discours frivole. Parlez donc, avocat. Petit-Jean. J'ai perdu la parole. Léandre. Achève. Petit-Jean. C'est fort bien débuté. Mais que font là tes bras pendants à ton côté? Te voilà sur tes pieds droits comme une statue. Dégourdis-toi. Courage. Allons. Quand ces vertus? Petit-Jean, remuant les bras. Quand je vois. Léandre. Dis donc ce que tu vois. Petit-Jean. Oh, dame, on ne court pas de lièvres à la fois. Le souffleur. On lit. Petit-Jean. On lit. Le souffleur. Dans la. Petit-Jean. Dans la. Le souffleur. Métamorphose. Petit-Jean. Comment? Le souffleur. Que la métam? Petit-Jean. Que la métam? Le souffleur. Psychose. Petit-Jean. Psychose. Le souffleur. Et le cheval? Petit-Jean. Et le cheval? Le souffleur. Encore? Petit-Jean. Encore? Le souffleur. Le chien? Petit-Jean. Le chien? Le souffleur. Le butor? Petit-Jean. Le butor? Le souffleur. Peste de l'avocat? Petit-Jean. Ah, peste de toi-même! Voyez cet autre avec sa face de carême! Va-t'en au diable! Dandin. Et vous? Venez au fait! Un mot du fait! Petit-Jean. Eh bien, faut-il tant tourner autour du pot? Il me faut en dire aussi des mots longs d'une toise, de grands mots qui tiendraient d'ici jusqu'à Pontoise. Pour moi, je ne sais point en faire de façon pour dire qu'un matin vient de prendre un chapon, tant il y a qui n'est rien que votre chien ne prenne, qu'il a mangé là-bas un bon chapon du Maine, que la première fois que je l'y trouverai, son procès est tout fait, et je l'assommerai. Léandre, belle conclusion, et digne de l'exorde. Petit-Jean, on l'entend bien toujours. Qui voudra mordre, y morde. Dandin, appelez les témoins. Léandre, c'est bien dit, s'il le peut. Les témoins sont fort chers, et n'en a pas qui veut. Petit-Jean, nous en avons pourtant, et qui sont sans reproche. Dandin, faites-les donc venir.